Chapitre 17e. Adolphe avait eu le courage désespéré des timides. Il s'était jeté au milieu du feu, pour ne plus pouvoir reculer. Maintenant, il était engagé de telle sorte qu'il lui fallait, bon gré mal gré, aller jusqu'au bout. La violence de cette explosion déconcerta Juliette et la fit reculer de quelques pas vers la porte. Il ne serait pas exact de dire qu'en venant de son atelier, elle ne prévoyait rien, et qu'elle croyait tout simplement à un désir de voir ses tableaux, précisément parce qu'elle n'était pas la jeune fille idéale formée par la convention et rêvée par Adolphe. Elle n'avait ni la naïveté ni l'aveuglement nécessaires pour vivre auprès d'un homme amoureux sans deviner son amour. Bien qu'Adolphe ne lui eût jamais dit un mot de cet amour, elle savait parfaitement que dans les sentiments qu'il éprouvait pour elle et qu'il lui témoignait de toutes les manières, excepté par la parole, elle savait qu'il y avait autre chose que de l'amitié. Quelle était cette autre chose? Quel nom fallait-il lui donner? C'était ce qu'elle ignorait, car il était assez difficile d'analyser ce qui se passait en lui. Aujourd'hui, tout dans sa personne parlait de tendresse et d'amour. Demain, au contraire, tout indiquait la froideur, ou au moins une retenue invincible. Il semblait ne pouvoir vivre sans elle, et tout à coup il partait pour l'étranger sans rien dire, sans un mot d'adieu, sans un souvenir. Au milieu de ces contradictions, elle n'était point assez expérimentée pour démêler le fil qui déterminait ses actions en apparence incompréhensible. Cependant, quand elle l'avait vu au Louvre lui demander un entretien, et quand, quelques minutes auparavant, il l'avait pour ainsi dire obligée à venir avec lui dans l'atelier, elle avait bien pressenti qu'il se passerait quelque chose. Mais elle n'avait pas eu l'idée que ce pouvait être une déclaration brutale comme celle qu'elle venait d'entendre. Un silence s'était fait, troublé seulement par le bruit des ciseaux qui sonnaient et criaient toujours dans la pièce voisine. « Rejoignons ma mère, » dit-elle, en faisant encore quelques pas en arrière. Mais il la prévint, et se plaçant vivement entre elle et la porte de manière à lui barrer le passage, « Je vous en prie, » dit-il. Continuons sans témoin cet entretien commencé. Vous êtes bien certaine, n'est-ce pas, qu'il ne sortira pas de mes lèvres un seul mot que vous ne puissiez entendre. Eh bien, restons seuls, pour que je puisse parler en toute liberté, c'est-à-dire en toute sincérité. » Comme elle ne répondait pas, il s'avança vers elle. Alors elle recula, et marchant ainsi, ils arrivèrent à l'autre bout de l'atelier. « Je vous aime, » dit-il d'une voix ferme et vibrante. Elle leva la main pour lui imposer silence, mais il continua. « Je vous aime, chère Juliette. Laissez-moi vous dire et vous redire ce mot que j'ai retenu si longtemps sur mes lèvres et qui m'est si doux à prononcer. Je vous aime. » Il parlait en la regardant, mais comme elle tenait ses yeux baissés sur le parquet, il ne pouvait lire en elle les sentiments que ses paroles éveillaient. Il voyait seulement que son visage avait pâli et que ses lèvres étaient agitées par des frémissements. Il reprit. Maintenant que ce mot est prononcé, je dois vous dire comment mon amour est né, pourquoi je l'ai tenu caché si longtemps au fond de mon cœur et pourquoi j'en parle en ce moment. C'est une confession complète, sincère, que je vous demande d'écouter. Le voulez-vous? Est-il donc nécessaire que je sois votre confesseur? Il est nécessaire que vous sachiez la vérité, afin que tout à l'heure vous puissiez répondre à ma demande. Elle leva les yeux sur lui et le regarda. Il eut peur. « Écoutez-moi, » dit-il vivement, « et ne me répondez que quand vous m'aurez entendu. Ce ne serait pas être sincère que de dire que je vous aime depuis le jour où nous nous sommes vus pour la première fois. J'étais alors un grand garçon un peu bêta, et vous n'étiez qu'une petite fille. Je dois même avouer que vous ne me plaisiez guère. Il n'est pas besoin de me le dire. Je m'en suis aperçu et je m'en souviens. Vous n'étiez pas assez garçon pour prendre part à mes amusements, et vous n'étiez pas assez jeune fille pour que je fisse attention à vous. D'ailleurs, avec vos grands yeux que vous attachiez quelquefois sur moi en souriant d'un air moqueur, vous me faisiez presque peur. Tout au moins, vous me mettiez mal à l'aise. Pendant assez longtemps, je vécus donc auprès de vous sans vous aimer. Êtes-vous sincère en ne parlant que d'indifférence? N'éprouviez-vous pas autre chose pour moi? Ne me haïssiez-vous point? Vous me gêniez souvent, et votre présence à nos gens m'était désagréable. Au reste, Je ne fais aucune difficulté à reconnaître ces sentiments et à les avouer. Le chemin parcouru pour arriver à l'amour que je ressens aujourd'hui est plus grand, voilà tout. C'est lentement que cet amour s'est formé, goutte à goutte pour ainsi dire. Surtout, c'est à mon insu. Je fus longtemps à me rendre compte des changements qui se faisaient en moi. Le plus sensible fut le plaisir que j'éprouvais à être près de vous. Au lieu d'avoir, comme autrefois, de bonnes raisons pour fuir la maison, j'en avais maintenant d'excellentes pour ne pas m'éloigner le dimanche. Et depuis le moment de votre arrivée jusqu'à celui de votre départ, je vous suivais comme votre ombre, marchant quand vous marchiez, m'asseyant quand vous restiez avec ma mère. Je ne vous parlais pas. Vous-même, bien souvent, ne disiez rien, mais je vous regardais. Je respirais le même air que vous et j'étais heureux. Puisque je me suis engagé à tout dire, il faut que j'ajoute encore que je ne savais pas que vous étiez belle. Mais à vous regarder ainsi, à vous contempler, le charme de votre beauté m'envahit et me pénétra. Alors, dans ma vie, il n'y eut plus qu'un jour qui compta, le dimanche, le jour où je vous voyais. Il n'y avait plus d'illusions à se faire, plus d'hypocrite raisonnement arrangé, je vous aimais. Je n'ose vous demander si vous vous étiez aperçu de ce changement. Je me suis aperçu tout d'abord que vous n'étiez pas mon ami, et vous cachiez si peu la répulsion que je vous inspirais, qu'il aurait fallu être aveugle pour ne pas la voir. Plus tard, je me suis aperçu que vous changiez, et j'ai cru que, me connaissant, vous me trouviez moins désagréable. Et puis j'ai pensé aussi que vous vouliez alléger le malheur qui nous frappait. Et j'ai été touché de votre sympathie, surtout, je l'étais de la façon délicate dont vous nous la témoigniez. C'est à l'époque où vous veniez nous chercher tous les dimanches, pour nous emmener à Nogent. Je ne sais pas si les autres étaient dupes des prétextes que vous inventiez, pour ne pas laisser le cocher venir et pour le remplacer, mais je ne l'étais pas. Et je vous savais gré de vos mensonges. Chère Juliette. Mais comme elle craignait d'en avoir trop dit, elle reprit. Avec le cocher, on suivait tout bêtement la grande route, dans une allure régulière qui devait faire honneur à vos chevaux. Avec vous, on prenait des routes détournées. On allait au pas, on s'arrêtait. C'était nos seules promenades à la campagne. Je voyais de la verdure, des arbres, des fleurs, de l'herbe. On respirait l'odeur des chênes et le parfum des acacias. Vous n'aviez pas peur des chemins couverts, où les feuilles nous frôlaient la tête, et où il fallait se baisser, quand il avait plu, pour ne pas accrocher les branches qui nous inondaient. Vous souvenez-vous du bouquet de jonquilles que nous avions cueilli derrière les minimes? Madame Delis était restée en voiture et vous couriez comme une biche. C'est vous qui trouviez toutes les jonquilles, car je ne voyais rien autour de moi, ne vous quittant pas des yeux. Et ces grosses moriblondes que je prenais pour des éponges? Vous souvenez-vous aussi? Mais ce n'est pas de ces souvenirs que je veux vous parler. Si doux qu'ils me soient à rappeler, il faut les taire. Ils nous entraîneraient trop loin. Un autre, à ma place, vous eût sans doute parlé de son amour. Mais je ne voulais le faire que lorsque je verrais dans vos yeux que vous m'aviez compris et que vous m'encouragiez. J'ai vu de la sympathie, de l'amitié, peut-être même quelquefois une certaine tendresse. Je n'ai jamais vu l'encouragement que j'attendais, le coup d'œil, le signe qui devait m'ouvrir les lèvres. Pendant que j'attendais ce signe, un fait grave se présenta. Ma mère voulut m'envoyer en Angleterre. Bien que nous n'ayons pas eu alors une explication précise dans laquelle votre nom ait été prononcé, ma mère connaissait mon amour, et c'était parce qu'elle l'avait appris qu'elle voulait m'éloigner. Arrivé à ce point, il s'arrêta. Ce qu'il lui restait à dire était délicat. Il devait parler de sa mère, et s'adressant à Juliette, il était difficile d'expliquer que Madame d'Alifard ne voulait pas d'une belle-fille sans fortune. Ce qui augmentait encore son embarras, c'était le regard interrogateur qu'elle fixait en ce moment sur lui, comme si elle voulait lire dans les replis les plus cachés de sa conscience. Après quelques secondes, entraîné par les exigences de la situation, il continua. « Vous connaissez ma mère. Vous savez toute l'importance qu'elle met aux questions d'argent. Malgré l'amitié qu'elle a pour vous et les mérites qu'elle vous reconnaît, et je vous assure que cette amitié est très grande, il pouvait ne pas lui convenir de me voir aimer, c'est-à-dire épouser une jeune fille qui n'a pas de fortune. Dites sans le sou, c'est le seul mot juste en parlant de moi. Fortune est beaucoup trop ambitieux et trop noble. Elle ne s'est pas expliquée là-dessus. Je ne puis donc que vous indiquer les raisons qui, selon moi, la faisaient m'envoyer à l'étranger. Je pouvais ne pas me rendre à son désir et lui avouer la vérité, c'est-à-dire que je vous aimais et voulais devenir votre mari, si vous consentiez à m'accepter. J'ai balancé un moment et, en fin de compte, je n'ai rien dit. Il s'arrêta encore et s'essuya le visage. Des gouttelettes perlaient sur son front, montrant toute la difficulté qu'il éprouvait à expliquer, comme il le désirait, ce qu'il y avait d'inexplicable dans sa conduite. « Je comprends, reprit-il, qu'il puisse vous paraître étrange, que vous aimant, je sois parti sans résistance. Voici comment je me suis déterminé. Pour résister à la volonté de ma mère, il fallait lui donner les raisons de mon refus. C'est assurément ce que j'aurais fait, s'il y avait eu un mot d'amour échangé entre nous. Mais ce mot n'avait jamais été prononcé. Je vous aimais, cela était certain, mais je ne savais pas moi-même quelle était la force et quelle était la grandeur de cet amour. Je n'avais pas éprouvé la solidité des liens qui m'attachaient à vous. Si ce que je ressentais pour vous était une passion profonde, une absence de 2 ou 3 mois ne l'affaiblirait pas. Si au contraire, ce n'était que des sentiments éphémères, cette absence me montrerait leur peu de solidité. Dans le premier cas, revenu à Paris, je m'expliquerais franchement avec ma mère et lui demanderais de faire céder ses préjugés devant mon bonheur. Dans le second cas, au contraire, je céderais moi-même à sa volonté, car il ne serait pas vraiment juste de blesser ma mère, que je respecte autant que je l'adore, pour arracher de force un mariage qui ne me tiendrait pas au cœur. Il avait parlé lentement, cherchant ses mots et corrigeant une phrase par l'autre. Il respira, et s'exprimant dès lors facilement et rapidement. « Cela vous surprend de m'entendre parler ainsi. Et vous vous dites peut-être que je suis bien calme et bien raisonnable, ou plutôt bien raisonneur dans mon amour. Sans doute je ne suis pas un héros de théâtre, je le reconnais. Mais je suis un honnête homme, qui ne veut ni tromper les autres, ni se tromper lui-même. En face d'une situation difficile, j'ai voulu me tirer d'embarras par une expérience. Cette expérience est faite, elle a duré 1 an, et elle m'a prouvé que ce que j'éprouvais pour vous, c'était une passion profonde, la plus grande, la plus complète, qui puisse s'emparer d'un homme, de son esprit, de son cœur, de son être tout entier. Pendant 1 an, loin de vous, je n'ai vécu que pour vous, par le souvenir et par l'espérance. Voilà pourquoi, revenu près de vous, je vous dis que je vous aime et vous demande si vous voulez m'accepter pour votre mari. »